L'AEFE joue un rôle clé dans la coopération éducative francophone. Elle soutient l'enseignement du français langue de scolarisation, la promotion du plurilinguisme et la formation des enseignants dans les établissements partenaires. Elle met en œuvre des programmes d'excellence, comme par exemple le label Franc-Éducation. Ce label valorise les écoles étrangères enseignant en français selon des standards élevés. Son action permet aussi de renforcer les liens culturels, scientifiques et économiques entre la France et les pays partenaires. D'après le site officiel de l'AEFE, ce réseau constitue un véritable atout pour la France et la francophonie, car il forme des futurs acteurs internationaux qui partagent une culture commune et une ouverture au monde.